l'amitié, je connais l'amour, les deux c'est pas mal, mais je préfère la thune. Je connais la musique, je connais le ciné, les deux c'est pas mal, mais je préfère le din. Je sors de la thèse, tout va la baisse. Sur la vie de ma mère, je vais faire payer ces bâtards qu'on tournait la veste. On s'arrêtera pas tant que le chargeur est plein. Ta mère, la pute, ne va pas trop connaître. Alors, comme ça, t'as des vraies connexions. Tu peux compter sur nous pour qu'on te déconnecte. Non, je pleuve pas. Je côtoie des gens qui ont du sang sur les mains. Des amis intimes qui ont fumé des mecs. Pour 300 euros qui ont niqué des mères. C'est les mêmes qui vont prier à la Mecque. Personne n'est parfait, j'en ai bavé. J'suis venu hacker ceux qui m'ont bavé. J'ai taffé, taffé, taffé, taffé. Maintenant, c'est les grands qui me servent le café. Mais voilà, retourne. Le petit gros lard est devenu méchant. Pour te niquer ta mère, je me déplace plus. Sale fils de pute, je vais payer des gens. À ce qui Paris, tu as une putain d'équipe, ramène-les, je viendrai tout seul. J'ai changé depuis que j'ai compris que les gens comprenaient rien avec la douceur. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar. Tu connais le plan, y'a beaucoup d'arabes, de noirs et de blancs. Ne sous-estime pas, tu nous connais pas. Ici tu peux te faire fumer par un blond. J'ai coupé les ponts car on n'est pas les mêmes. Ils sont prêts à tout pour le buzz. On a vendu coq et hachiche dans le check. Ils ont juste vendu des peurs. Écoute-moi bien, ma mère elle est fière de moi, elle savait pas ce qu'elle allait faire de moi. Ma femme elle est fière de moi, elle connaît pas les fins de moi. On te calcule pas mais que tu nous piques. Un conseil pris pour que Dieu nous guide. Les gens qui m'entourent ne sont pas dans mes clips. Je suis Kadhafi, je suis monsieur le guide. God. À ce qui paraît, tu as une putain d'équipe. Ramène-les, je viendrai tout seul. J'ai changé depuis que j'ai compris que les gens comprenaient rien avec la douceur. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar. L'amitié c'est bien, mais l'argent c'est mieux. J'ai peur de Dieu, tu crois que j'ai peur de eux. Je pense pas que je vais mourir vieux. Je pense pas que je vais mourir pieux. Ils me font la bise et derrière mon dos. Bla bla, comme s'il a changé. J'ai fait 2-3 sons de Zumba, mon pote. Tu croyais vraiment que j'allais me ranger? Je rappe comme quand j'avais air, je rappe comme si j'avais pas de terre. Comme si je leur faisais la guerre, mon frère. Je rappe comme si j'étais célibataire. Sur la vie de ma mère, on a fait des sous, ils sont jaloux de nous. Ces enfants de pute, ils veulent nous voir couler. Je viens d'Herbel, j'oublie pas d'où je viens. J'attends la sortie de mon pote poulet. À ce qui paraît, tu as une putain d'équipe. Ramène-les, je viendrai tout seul. J'ai changé depuis que j'ai compris que les gens comprenaient rien avec la douceur. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar. On n'aime pas les haggar, mais des fois les haggar ont raison de haggar.